Cette rue Pontscarm. Ici, c'était mon adresse. J'ai vécu ici 2018, mais je reviens toujours. Tu vois la deuxième fenêtre à droite? C'était là que j'habitais avec Annie. Elle est au Brésil aujourd'hui, elle a 16 ans. On a passé des bons jours ici. Au deuxième étage vivait Isa, la propriétaire de l'appartement, et surtout mon ami, et Michel, son compagnon. Au fond, Vincent, son fils. Au quatrième étage, Maria, baby, Maria de Lourdes, mon amie brésilienne. Nos familles se connaissaient déjà avant. Au dernier étage, un couple de gars brésiliens. On a fait de la fête dans la cour. On a fêté des anniversaires d'Isa, de Maria, une fête surprise pour ses 60 ans. On s'est confié. Que de bons souvenirs. Je reviens toujours ici. Isa est partie à Marine, à la plage. Elle est très heureuse là-bas. Mais on a toujours les groupes sur WhatsApp, les 7, nous trois, moi, Baby, Maria et Isa. Des amitiés qui restent pour toujours.